Chapitre 75e. Les Grès ou Soulas. Les Grès sont presque tous des gens de province, sans cesse occupés à parcourir les routes, soit en diligence, soit à pied. Ils prennent toujours la qualité la plus propre à les mettre en rapport avec la personne sur laquelle ils se proposent de faire l'expérience de leur savoir-faire. Ils s'associent ordinairement au nombre de trois. Chacun d'eux voyage isolément pour aller à la recherche des dupes. Quelquefois aussi, un seul se met en chasse et les autres l'attendent au quartier général. Dès que le Grès, qui est chargé de pousser la reconnaissance, a rencontré l'individu sur lequel il croit pouvoir opérer, il tâche de se lier avec lui, et lorsqu'il lui a arraché le secret de sa position, s'il entrevoit le moyen d'en tirer parti, il va se loger dans le même hôtel que cet ami improvisé, à moins qu'il ne se présente une occasion de l'expédier de suite. Si le pigeon qu'on projette de plumer vient toucher de l'argent ou amène des marchandises à Paris, les Grès ne le perdent pas de vue qu'il n'ait effectué sa recette. Souvent même, afin d'être plus certain que le produit de la vente ne leur échappera pas, ils s'arrangent pour acheter eux-mêmes les marchandises ou du moins pour en faciliter le placement. Le surveillant, aposté auprès du pigeon pour épier ses démarches, tient ses affidés au courant de tout ce qu'il fait. Il leur donne en quelque sorte, heure par heure, le bulletin de ses actions. Et quand il juge qu'il est temps d'agir, il les avertit de se tenir prêt à le seconder. Le moment arrêté pour l'exécution étant venu, sous un prétexte ou sous un autre, le Grès engage le pigeon à sortir avec lui. Ils vont ensemble dans la rue. Mais à peine ont-ils fait quelques pas, un homme, que son baragouin signale comme un étranger, les accoste, et parvient à leur faire comprendre qu'il demande le palais royal. « Qu'allez-vous y faire ?» lui demande le Grès. L'homme montre alors des pièces d'or. Ce sont ordinairement des quadruples ou des pièces de 40 francs d'Italie, et manifestant qu'il désire les convertir en argent, il débite un compte dont voici la substance. Il était au service d'un monsieur très riche, qui lui a laissé en mourant une grande quantité de ces pièces dont il ignore la valeur. Tout ce qu'il sait, c'est que quand il en change une, on lui donne 6 pièces blanches. Aussitôt, pour marquer de quelle espèce sont les pièces blanches, il montre une pièce de 100 sous. Au même instant, le Grès, tirant de sa poche 6 pièces de 5 francs, propose au soi-disant domestique de lui céder une pièce d'or. Celui-ci y consent. Il part même très satisfait et, dans son langage, il donne à entendre qu'il ne serait pas fâché d'avoir encore de la monnaie blanche. Mais un bureau de change ne peut être établi en plein vent. On entre dans un cabaret et là, l'étranger aux pièces d'or ouvre un étui qui en contient une centaine, qu'il offre à raison de 30 francs chaque. Le Grès, dans un aparté avec le pigeon, ne manque pas de faire remarquer combien leur serait avantageux de faire un pareil marché. « Mais avant de rien conclure, ajoute-t-il, je pense qu'il est prudent de montrer les pièces à un orfèvre afin de nous assurer si elles sont bonnes. » Le pigeon pense comme son compagnon. Il sort avec une des pièces et revient avec 40 francs qu'il a reçus en échange. Plus de doute, l'opération est sûre. Le bénéfice considérable, 10 francs par pièce, on en saurait trop prendre. Sans hésiter, il se défait de tout son argent blanc. S'il n'en a pas assez, il est même tout prêt à en emprunter. Enfin, l'échange se consomme. On compte les pièces d'or et on les remet dans l'étui. Mais le prétendu domestique, qui est un habile escamoteur, à l'étui qui renferme le précieux métal, en substitue un exactement semblable et après ce tour de passe-passe, comme il lui importe de s'esquiver le plus promptement possible, il dit que, puisqu'on a vérifié son or, il désire vérifier aussi l'argent qu'on lui a donné. Rien de si juste, observe le mentor du pigeon. Je ne vois aucun inconvénient à cela. Et le pigeon, à qui l'espoir d'un gain excessif a fait perdre la tête, consent de la meilleure grâce du monde à l'enlèvement de ses pièces de 100 sous. Que risque-t-il? L'étui n'est-il pas sa garantie? Le domestique a disparu, et le compagnon de la dupe, ayant prétexté un besoin, pour s'absenter une minute, ne tarde pas à le rejoindre. Le pigeon est plumé, il ne les reverra plus. Cependant, il ignore encore son malheur. Il attend 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. D'abord, il s'impatiente, puis il se fait du mauvais sang, ensuite il s'inquiète, enfin viennent les soupçons et les grandes alarmes. Il ouvre l'étui, ou le fait ouvrir s'il ferme à secret, et n'y trouve que des sous ou du plomb de chasse. Quelquefois, les Grès, au lieu d'étui, ont une boîte en fer blanc ou un petit sac de cuir avec un cadenas à la fermeture. Lorsque le pigeon leur paraît quelque peu défiant, les deux fripons recourent à une tactique différente. Celui qui a préparé les bois prend l'étui des mains de l'autre. « Ah, ça, maintenant, » dit-il en le remettant au particulier qu'il a tiré dans ses filets, « il nous faut aller chez un changeur, afin qu'il examine les pièces. » Le particulier, croyant que son ami lui conseille une précaution, sort immédiatement avec lui, en laissant au cabaret le faux domestique. Ils cheminent ensemble, tout à coup le fripon s'arrête, comme saisi d'une réflexion soudaine. « Et la clé ? » s'écrie-t-il. « La clé de l'étui, l'avez-vous ? » « Non. »« Vous ne l'avez pas. Vite, vite, courez la chercher. Ou bien j'y vais moi-même. Attendez-moi là. » Et que l'on profite ou non de sa bonne volonté, le filou n'est pas plutôt seul qu'il s'éclipse, bien convaincu qu'on ne le retrouvera pas plus que son affidé, qui a déjà gagné au large. Si, par cas fortuit, le pigeon ne veut pas se séparer de son ami, l'ami le promène jusqu'à ce qu'il s'offre une occasion de le perdre, soit dans un passage, soit ailleurs. L'échange est un mot d'escroquerie auquel bon nombre de personnes se sont laissées prendre. Des marchands de province, des voyageurs, des Parisiens même y ont perdu des sommes considérables. Plus le nigaud dont l'aigresse convoite les écus est cupide, plus il est facile à duper. Pour se préserver de la subtilité de ses fripons, il suffit de ne jamais s'entretenir de ses affaires avec des inconnus, de ne point parler devant eux de l'argent que l'on a, et surtout de s'abstenir d'acheter au prix de 30 francs les pièces d'or qui en valent 40. Chacun son métier. Le fameux Sablin et Germain, dit Père Latuile, était de Grèce des plus adroits. Un jour, il venait d'escroquer 3 500 francs à un provincial. Germain, en présence de qui celui-ci s'était vanté de ses exploits comme chasseur, jouait le rôle du conseiller. « Ma foi, monsieur, dit-il au provincial en lui remettant l'étui, vous faites une bonne affaire. Vous pourrez passer l'hiver gaiement et aller à la chasse. » L'étui ne contenait en effet que du petit plomb. Ce propos que je tiens du plaignant et des deux filous était, il faut en convenir, d'une rare impudence.